Troisième partie, chapitre 4, sixième section, le cinquième précepte de l'Église. Que nous défend l'Église par le cinquième précepte, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé. Par le cinquième précepte, l'Église ne défend pas la célébration du sacrement de mariage, mais seulement la solennité des mariages, du premier dimanche de l'Avent à l'Épiphanie et du premier jour de Carême à l'octave de Pâques. En quoi consiste cette solennité des mariages? La solennité des mariages prohibée par ce précepte consiste dans la messe propre pour les époux, dans la bénédiction nuptiale et dans la pompe extraordinaire des mariages. Pourquoi les mariages solennels ne conviennent-ils pas pendant l'Avent et le Carême? Les mariages solennels ne conviennent pas pendant l'Avent et le Carême parce que ce sont des temps spécialement consacrés à la pénitence et à la prière.